Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer au matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, car tu me réjouis par tes œuvres. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Juste croit comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Même dans la vieillesse, il porte encore des fruits.